Bonjour tout le monde, bienvenue sur le podcast Binomade, l'émission consacrée à la présentation de nos binômes à travers le monde. Cette fois-ci, on vous emmène en Australie pour rencontrer notre binôme local, Ekris. Dis-moi, Ekris, tu nous appelles d'où là ? Donc je suis installé à Brisbane, dans l'état du Queensland en Australie, l'état du soleil où on a un ensoleillement d'environ 300 jours par an. Ça fait combien de temps que tu vis en Australie ? Ça fait environ 7 ans, on est arrivé en 2014, donc on a commencé par un grand périple en Australie d'environ 6 mois, on a sillonné les routes d'Australie, et donc ensuite on a vécu quelques temps dans la région de Sydney, avant de s'installer donc il y a un peu plus de 2 ans sur Brisbane. Et qu'est-ce qui t'a le plus surpris quand t'es arrivé en Australie ? Pas mal de choses. La première surprise, souvent, quand on arrive en Australie, on cherche le centre-ville. Quand on arrive dans une petite ville ou un village, et souvent, on ne le trouve pas, parce que c'est vrai que c'est des villes un petit peu style à l'américaine, et il n'y a pas le clocher de l'église avec les cafés autour. Donc ça, c'est un peu surprenant au début, quand on arrive. Bon, plein d'autres choses, parce que c'est vrai que c'est un pays qui est immense, hein. C'est la taille d'un continent. Donc c'est vrai que les espaces sont incroyables. On n'est pas forcément habitué à ça en Europe. Le style de vie aussi, c'est vrai que bon, souvent on parle de Sydney, les Australiens parlent de Sydney comme une ville un peu stressante, mais en arrivant de la région parisienne, on a plutôt l'impression que c'est une ville de vacances où le rythme est très très cool, quoi. Donc c'est vrai qu'il y a un vrai savoir-vivre à l'australienne qui nous dépayse, qui est sympa. Puis un autre truc qui est vraiment typique de l'Australie, c'est que les gens sont vraiment prêts à donner un coup de main, vous aider quand on est dans une galère, quand on est au milieu d'un désert, même s'il n'y a pas grand monde. Si un Australien vous voit arrêter sur le bord de la route, bon, il va s'arrêter et puis vous demander si tout va bien. Donc c'est vrai que c'est des gens qui sont solidaires. Et selon toi, ça serait quoi le spot incontournable d'une expérience de travail nomade en Australie ? Eh bien, je veux dire Brisbane, hein, en étant de Brisbane, je trouve que on l'a pas choisi par hasard, hein, non plus, pour nous y installer, parce que c'est une ville qui a plein d'attraits, qui est en plein développement, qui bouge, avec un climat qui est assez exceptionnel. Pas trop chaud. Bon, il y a un ou deux mois où il fait un peu plus chaud durant l'été, mais globalement, on a un climat qui est hyper agréable, avec, comme je disais au début, pratiquement 300 jours de soleil par an, avec la Sunshine Coast, hein, qui porte bien son nom, à 1h30 au nord, après la Gold Coast au sud. Donc ouais, c'est une ville qui a plein d'attraits, où on peut vraiment s'épanouir, créer du réseau, rencontrer des gens, avec des belles infrastructures. Donc c'est un bon spot, quoi, pour se poser et découvrir l'Australie. Pourquoi l'Australie est une destination idéale pour les binomades ? L'Australie a plein d'attraits, parce que c'est vrai que c'est un pays qui est moderne, qui va apporter tout ce qu'il faut, quoi, en termes d'infrastructures, d'expérience. C'est, je pense, un endroit qui se prête bien, on va dire, à une formule travail-vacances, quoi, où on peut allier les deux, être connecté. Il y a tout ce qu'il faut en Australie pour travailler dans des super conditions. Donc il y a une communauté francophone aussi, si on a besoin de créer un petit peu du réseau, etc. sur place, c'est assez facile de s'adapter, de s'acclimater. Un pays facile, quoi, pour s'y installer et travailler quelque temps. Tu as souhaité rejoindre l'aventure binomade. Tu peux nous dire pourquoi ? Bien, j'ai vécu ces expériences, en fait, où on arrive dans un pays, on est un petit peu perdu, on cherchait ses repères. Souvent, ça prend du temps. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est souvent sur un rythme où on n'a pas envie de perdre trop de temps, que ce soit pour des tracasseries administratives, des visas, c'est pas simple en Australie, pour venir s'y poser sur un temps plus ou moins long, ça dépend. Donc tous les côtés un peu pratiques, etc. Donc c'est vrai que je pense qu'on On peut vraiment apporter une aide à nos concitoyens français qui débarquent en Australie pour que ce soit facile et puis leur faire profiter un petit peu du réseau qu'on a développé ici, suivant ce qu'ils font, suivant ce qu'ils ont envie de faire comme rencontre, etc. Donc, je trouve que c'est bien de pouvoir partager ça au sein de Binomad. Et de faciliter un petit peu une intégration en Australie. Un petit mot pour la fin, peut-être? Eh bien, welcome Oz, on vous attend avec impatience en Australie. Les frontières vont rouvrir très prochainement. Nous, on est là. Si vous avez besoin d'un coup de main pour préparer votre expatriation en Australie, n'hésitez pas à nous contacter. Merci beaucoup, hey Chris, pour cette petite mise en bouche de l'Australie. Nous étions donc aujourd'hui avec notre binôme Australie et Chris en direct de Brisbane. Vous rêvez de vous expatrier en Australie? N'hésitez pas à nous envoyer votre demande à contact@bi-nomade.com. À très bientôt dans une nouvelle destination pour la présentation d'un autre binôme.